Les années 80 sur Maxi France avec Loop de Loop. Au bout de la nuit, on avait juste avant également les années 80 avec Karen Cheryl à l'envers, à l'endroit. Ou encore Philippe Swan avec Suzy. Les années 80, les années 70, on vous balade, on vous promène dans tous les plus grands souvenirs de la chanson française. Alors restez bien avec nous. On aura pour la suite Laurent Voulzy ou encore Philippe Lafontaine avec L'Amant Tequila. C'est dans les années 90 pour l'instant. Alioz arrive avec Comme des gangsters. Alioz qui est un des gros phares de Maxi France. Eh oui. C'est Alioz. Vous nous écoutez sur Maxi France. Et si on quittait le monde?